Même qui n'a me qui bague, mon amour a beau ton amant joli. Même qui n'a pas les âmes, et y me rembana, vibana. Ma fuma ba ma wakera, ma gwena qui n'a me mon amour en fi. Mansuel ma gwale mi vous me miri, na qui gwale amant joli. Même qui n'a me qui bague, mon amour a beau ton amant joli. Même qui n'a pas les âmes, et y me rembana. Ma fuma ba ma wakera, ma gwena qui n'a me mon amour en fi. Mansuel ma gwale mi vous me miri, na qui gwale amant joli. Même qui va bien, mon amour a beau yon a mangé li. Même qui n'a pas les âmes, et y me rembana, vibana. Ma fuma ba ma wakera, ma gwena qui n'a pas mon amour en fi. Mansuel ma gwale mi vous me miri, na qui gwale en mangé li. Kaya oumbele na mpename, bon si le mec a l'arme langa. Même y pena ma gwena me qui va bien. Angelio ma banza, kaya wumele na paname, bantile me kalarme langa, me mi paname pena me kipage, angelio ma banza, oh yeah yeah oh, mangelio ma banza. Oh yeah yeah oh.